La Corée a établi le système impeccable d'enseignement pour la fabrication des instruments. Fondée en Seong du 7 2011, la faculté de fabrication des instruments du conservatoire Kim Won-gyun, centre national de formation des musiciens, apprend pendant 5 ans des connaissances spécialisées sur la fabrication de diverses sortes d'instruments, y compris des instruments nationaux, aux étudiants aux oreilles fines douées du déchiffrage, de l'interprétation musicale et de la dextérité. Ces premiers diplômés ont reçu successivement les meilleurs prix à l'Exposition nationale des instruments de Pyongyang en 2013 et 2015.